Suspendu à tes doigts, mon cœur de cristal appréhende la chute et son éclatement. Auras-tu le courage de le laisser ainsi tomber, rouler et se réduire en miettes? Si, lassé d'un amour, tu décides la quête d'un autre cœur fragile, va déposer le mien avec délicatesse dans un endroit douillet d'où il saura attendre qu'une main secourable revienne le chercher pour d'autres lendemains.